Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditrices et auditeurs. Eh bien Marc, ce soir on commence avec une nouveauté norvégienne, une nouveauté qui vient conclure une trilogie. Il s'agit le groupe, c'est The Chronicles of Father Robin, bien connu, et le troisième album donc qui vient clore la trilogie. Et c'est comme un peu comme les Italiens, hein. Le nom à rallonge et même les titres à rallonge. The Songs and Tales of Aeria, Book 3, Magical Chronicle Ascension. Et on va avoir la pièce Magical Chronicle. Et puis, des États-Unis, de Minneapolis pour être plus précis, un groupe du nom de Kemono. Et c'est son second album qui a pour titre Mine, Out of Mine. On va avoir deux extraits de cet album. On va avoir les pièces Time Will Tell et Tell Me the Lore. Et puis Marc, pour faire suite, ben on va avoir un second extrait d'un nouvel album italien. Oui, en effet, il s'agit de la formation Ellesmere, qui a été fondée à Rome en 2014 et qui est le projet de Roberto Vitelli, connu pour sa participation dans la formation Taproban. Alors, comme tu disais, c'est le nouvel album qui a pour titre Stranger Skies. C'est donc quatrième album pour cette formation. Et comme pour les albums précédents, il y a plusieurs musiciens invités sur cet album-là, dont Thomas Bodin, David Jackson, ex-Vandergraaf Generator, John Hackett et également Riccardo Romano sur la pièce qu'on va entendre qui a pour titre Another World. Mais comme vous disait Michel, on débute d'abord avec une nouvelle pièce de la formation norvégienne de Chronicles of Father Robin. Chronicle showing the birth of life. At the court, the Empress of the Sun giving to each one power to evolve and collude with the meanings of our lives, meanings of our life and the brightness of our we

We'll be right back. He aims so high in his life. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Le 2 février prochain au Grand Théâtre, laissez-vous emporter par la musique des Deluxe. Avec son rock mordant et ses mélodies éclatantes, le duo fait sensation partout où il passe. Vivez une soirée enlevante avec les Deluxe le 2 février au studio TELUS du Grand Théâtre de Québec. Et si on pouvait recommencer? Tout refaire comme il faut? Est-ce que ça reviendrait au même? Pamplemousse d'Élisabeth Lavoie. Présenté du 23 janvier au 3 février au Théâtre Premier Acte. Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse Desjardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire et Hydro-Québec. Des enjeux mondiaux aux nouvelles méconnues mais pas moins importantes. En passant par des sujets inusités. À Carte du Monde, on analyse les questions de l'heure avec nos chroniqueurs et invités afin de comprendre ce qui se passe sur le globe. Avec Dominique Harvey et Emmanuel Deprado, les mardis 9h en rediffusion les samedis 14h. Carte du Monde, l'actualité internationale autrement. Drop from my pretty. Cet hiver, de grands noms de la musique débarquent au Palais Montcalm. Voyez The Living Brothers avec Tony Levin en programme double avec California Guitar Trio, Daniel Lanois, John Pizzarelli, Eliane Elias et Mark Johnson, et tant d'autres. Une autre saison de concerts mémorables. Billets en vente dès maintenant. Toute la programmation au palaismontcalm.ca. Autre temps, autre mœurs. Les mots, la musique. Mettre de la musique sur les mots, faire danser les mots sur la musique, marier littérature et musique. C'est l'invitation que vous lance Gilles Chaumel tous les mardis à 11h. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, on donne le coup d'envoi de la seconde partie de l'émission avec une nouveauté. C'est le second extrait de cet album qu'on vous présente de Neil Morse. C'est l'album de Restoration Joseph Part 2. L'année dernière, on avait eu droit à The Dreamer Joseph Part 1. Et je pourrais pas vous dire... C'est le combienième album de Neil Morse. Écoutez, c'est une discographie quasiment labyrinthique et on parle de aisément d'une trentaine d'albums en studio. Et je vous parle pas de tous les lives et des DVD. Je pense qu'on en a pour un bon bout si on commence à tout sortir. Ce que l'ex-chanteur et claviériste de Sparks Beard a réalisé depuis son départ du groupe. Parmi les invités pour ce nouvel album, on retrouve Eric Gillette à la guitare, Ted Leonard qui est maintenant chanteur de Sparks Beard et Nick de Virgilio, lui aussi un membre de Sparks Beard. Et on aura la pièce d'ouverture qui a pour titre Cosmic Mess. Et puis d'Italie, on va avoir un extrait d'une vieille nouveauté, si vous me passez l'expression. On parle de, c'est la réédition des deux premiers albums de Logos, la formation italienne, un album paru en 1999, simplement intitulé Logos, et Asvara paru en 2001. Dans le cas qui nous occupe, on va entendre une pièce du tout premier album paru en 1999. Les deux ont été remasterisés ou remixés, selon le cas. Et puis Marc, après, je pense qu'on se dirige du côté de la Norvège. Oui, effectivement, mais juste avant, j'en profite pour vous mentionner que les groupes qui seront présents au Festival Terra Incognita 2024 ont tous été maintenant annoncés. Alors, on aura la formation allemande RPVL qui seront avec nous pour deux spectacles. Un premier spectacle le 17 mai qui sera un hommage à Pink Floyd avec l'intégralité des albums Dark Side of the Moon et Wish You Were Here. Et le lendemain, le 18 mai, nous présenterons le spectacle de leur nouvel album Crime Scene. On aura également la formation Run a Strain de l'Italie qui seront avec nous le dimanche 19 mai. Ce sera leur premier concert au Canada. On aura également la formation 35 Tapes de la Norvège. On aura Sunset Mission, une formation de Boston qui ont fait paraître leur premier album en 2019. On aura également la formation italienne Livestream, qui en seront également à leur première visite au Canada. Livestream qui ont fait paraître leur second album en 2023. Et on aura deux formations du Québec, In Silva et Vector K. Alors, les billets seront en vente bientôt. C'est donc les 17, 18 et 19 mai prochains à La Chapelle. C'est un rendez-vous. Et pour revenir à notre programme musical, effectivement, de la Norvège, on aura la formation Lucifer Was. Ils ont débuté dans les années 70 et n'avaient pas réalisé d'album à cette époque. Et on aura ici ce soir pour vous un extrait de leur nouvel album, c'est leur 8e en carrière, qui a pour titre Enfix Ferdig Manin. L'album paraîtra le 15 mars 2024 et c'est leur premier album qui est chanté en langue norvégienne. Ce sera suivi de la formation italienne Fieri, qui s'écrit F-J-E-R-I, et c'est une formation qui a débuté dans les années 90. Alors l'album s'intitule Words Are All We Have, Reloaded. L'album était paru à l'origine en 2015, et donc c'est une nouvelle édition avec des pièces en bonnie. Un album qui compte dans ses rangs Stefano Panunzi au clavier et Nicolas Lori à la basse, accompagné de plusieurs collaborateurs dont Jaco Jagzik, qui a joué avec King Crimson, The Tangent, également Tim Bonus et Gavin Harrison, pour ne nommer que ceux-là. Mais pour débuter le bloc musical, comme vous le disait Michel, on débute avec une nouvelle pièce de Neil Morse. Darkness will Thank you. We'll be right back. Breaks the spell. say. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Cet hiver, de grands noms de la musique débarquent au Palais Montcalm. Voyez The Living Brothers avec Tony Levin en programme double avec California Guitar Trio, Daniel Lanois, John Pizzarelli, Eliane Elias et Mark Johnson, et tant d'autres. Une autre saison de concerts mémorables. Billets en vente dès maintenant. Toute la programmation au palaismontcalm.ca. Cet hiver, vivez l'expérience Télé-Québec. Pour une fois, tout le monde s'habille. L'émission possible? Être ado qui n'a pas la langue dans ma poche. Vivez les temps fous parce que dites-vous qu'on ramassera demain. Ça part? Roche, papier, ciseaux. Nos documentaires. L'adolescence, c'est un grand changement. Nos quiz. Bonne réponse! Nos magazines. C'est important pour toi de dire quelque chose avec ta guenille. Nos variétés. Il aurait pu nous appeler la génération blé d'Inde tellement on a passé dans le beurre. Avec autant de nouveautés, on ne s'ennuie pas à Télé-Québec. Vivez l'expérience. T'es fan de football et t'aimes l'ambiance unique du Super Bowl? Le 11 février prochain dès 18h, c'est à la Corrigan que ça se passe. On t'attend, toi et ta gang, pour la diffusion du match sur écran géant avec des promotions jamais vues. Toute la soirée, les ailes de poulet sont à 1$ et le pichet de blonde à 15$. La Corrigan Brasserie Artisanale, 380 rue Dorchester. Réservation au corrigan.ca dans la section contact. Le 2 février prochain au Grand Théâtre, laissez-vous emporter par la musique des Deluxe. Avec son rock mordant et ses mélodies éclatantes, le duo fait sensation partout où il passe. Vivez une soirée enlevante avec les Deluxe le 2 février au studio TELUS du Grand Théâtre de Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation ukrainienne Carfagan, tirée de l'album Land of Green and Gold, paru en 2022. On aura également un troisième extrait du nouvel album de Gong. On vous en a présenté deux extraits il y a quelques semaines. L'album a pour titre Unending Ascending. Il est paru en 2023 et c'est le troisième album que Gong fait paraître avec une nouvelle formation depuis le décès de David Allen, membre fondateur de cette formation. Alors on aura pour vous ce soir la pièce Choose Your Goddess. On aura également une formation multinationale qui a pour nom Proportions. Multinationale puisque la formation comprend deux musiciens suédois, un musicien américain et également un musicien québécois de Québec. Il s'agit du batteur Denis Boucher. Alors on aura pour vous ce soir un premier extrait de leur cinquième album qui est paru à la mi-novembre 2023 en format numérique et le 1er décembre en format CD. L'album a pour titre Conundrum et on aura pour vous la pièce Steel Wool. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté du Japon avec une formation de rock progressif instrumental qui met de l'avant le violon. Oui, on parle de Asturias, un groupe fondé dans les années 80, fin des années 80, et qui a maintenant 14 albums à son actif. En fait, le groupe s'est séparé à deux reprises et a effectué des retours sous le nom de Acoustic Asturias et aussi Electric Asturias. Le point commun à toutes ces métamorphoses de Asturias, c'est le bassiste et compositeur Yo Oyama. Et ce soir, on vous présente un extrait du plus récent album de Electric Asturias. L'album a pour titre Dimensions et le titre de la pièce, La Porte de l'Enfer. Et oui, en français.

Dans le prochain bloc musical, on aura la formation américaine Fido, une formation coup de cœur pour l'émission Terra Incognita depuis nos 20 ans déjà. Et justement, on a eu la chance de voir cette formation-là à deux reprises dans le cadre du festival Terra Incognita. Il y a 4 albums qui sont vraiment très très bons pour Fido. Doomsday Afternoon, paru en 2007, Number 7, paru en 2009, Snowtorch en 2011 et Infernal en 2018. On souligne également Chupacabras, paru en 2005, qui est excellent. Donc, pour vous, ce soir dans l'émission, on aura une pièce de l'album Number 7, une pièce qui a pour titre Waiting for the Axe to Fall. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de l'Italie. Oui, avec le premier album solo du chanteur italien Stefano Lupo Galifi, chanteur de Museo Rosenbach, un album incidemment réalisé par Luca Scherani, et quand je dis réalisé, il s'est vraiment impliqué de A à Z. L'album a pour titre Di ricordi un museo, et c'est la pièce La morale cede. Profili nascono e allontanano le sere, vecchio e stantio il pensiero. L'uomo corre distante su di una spiaggia. Si profila, delinea dolore a peso, ma la morale cede, termina il sentiero, filo cremisi si profila sul mio tempo a peso. Già lenta, piedi pesanti su anima persa, corretta eterna sorretta da luci indotte scorrette, arrogante è la metà, metà di entrambe le parti, corrente al desiderio, istanti per nascita chimica, gli effetti istinti e difetti, gioca la lingua, immobili gli occhi, perse le mani, la morale cede, la linea vita segna, un filo cremisi si profila, delinea dolore a peso, la morale cede. Profila sul mio tempo. entered the mind. Something exploding into your field. Some type of omen to you was revealed. So is a day, there is a way, you can come home. So I try to hold on for that day. You're still my sleeping slave. It's time to wake up from the Pour conclure l'émission de ce soir, on a retenu une formation suédoise qui a pour nom Liquid Scarlet. On aura un extrait de l'album Too, un disque qui est paru en 2005. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants. Get the guns, get the tools. Did you get the rose? Have you lost your mind? Or do it tonight? Once it is done, it is done. There's no going back. We're not changing the plan. We're not quitting now. Stage is set for two. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Renouvelez votre carte de membre dès maintenant. Cette année, nous vous proposons 3 options d'adhésion pour répondre à vos besoins. Rendez-vous en ligne sur le site de CKRL pour connaître tous les avantages et cliquez sur l'onglet « Devenir membre ». Présenté par SiriusXM, le festival déjanté de musique alternative, le Focoff est de retour pour sa 10e année consécutive. Du 9 au 17 février, la Ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tout genre confondus.